Wish TV, le meilleur de la télé de Wish City. Wish TV. De l'info, du divertissement et du sport. Tous les mois, vivez les plus grands matchs de Skyball en direct sur Wish TV. Wish TV. Les Casse-Durs de l'Ouest, les Cogneurs du Sud, les Bouleurs de Baef, les De Rocher. Toutes les plus grandes équipes. Le tout commenté par Sinky et Winky. Et ça, c'est uniquement sur Wish TV. Wish TV, c'est notre télé, c'est votre univers. Wish TV. Wish TV. Exactement, uniquement sur Wish TV. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Sinky. Bonsoir Winky, prêt pour cette rencontre qui s'annonce mémorable? Et oui, l'un des plus grands matchs de Squeakball de la saison. On espère qu'il y aura beaucoup de latage de couilles, Sinky. Et oui, ça risque de faire très mal et c'est tant mieux. Wish City, le grand stade. Deux semaines avaient passé depuis l'attaque des rats dans la galerie ouest. Deux semaines durant lesquelles nous nous étions efforcés, vous et moi, de revoir Mila. Mais à chaque fois, nous nous heurtions au plus efficace des murs qu'il soit dans la société Baef Wish, celui des classes sociales. Vous et moi n'étions que des creuseurs. Mila, elle était la fille du chef du gouvernement Baef Wish, la fille du grand dirigeant. Pardon, tiens Squeak, v'là de la bière de roche. Merci, Booz s'est assis à côté de moi. D'ici, nous avions une assez bonne vue du terrain. Déjà, les équipes s'échauffaient. Dans quelques minutes, allait être donné le coup d'envoi. Deux semaines. Nous avions vu les rats, nous avions ramené Mila au palais. Elle nous avait promis d'en parler à son père, de prévenir le gouvernement que les rats étaient là et qu'ils représentaient un danger pour Wish City. Qu'avait-elle dit? Qu'avait-elle tenté? Nous, pauvres creuseurs, nous ne pouvions rien faire. La presse, la télé, les creuseurs, personne ne les croyait, pas même les autres creuseurs. Et le coup d'envoi vient d'être donné par Eric. Le favori de l'équipe adverse s'élance, tel un serpent dans une galerie sombre. Impressionnant, quelle détente! Ah, il vient de latter les couilles de Somerten. Bernie garde toujours la balle. Allez, approche, approche, Bernic, essaye de marquer. Gare à tes couilles. Wow, quelle partie mise à deux, Bernic, t'as marqué. Il a marqué. Bernic, il est vraiment très fort, hein. J'ai renversé un peu de bière. Ouais, pas grave. J'aurais pu suivre le match. Mais mon regard était fixé sur la tribune officielle, en face de nous. La tribune où était assis... Oh, Squeak, regarde. Regarde, il y a le grand dirigeant qui est venu assister au match. Et il y a Mila aussi. Ouais, j'ai vu. Mila. Aïe. Quelqu'un venait de lancer une bière sur la tête de Booz. Nous avons tourné la tête. Assis de rang plus haut, cinq bâtisseurs se marraient. Parmi eux, Rosencraft. Putain, Rosencraft, je sais pas ce qui me retient de... À l'acheter peut-être. Alors, Booz, on manque de couilles. J'ai retenu le bras de Booz. De toute façon, là où on était, il pouvait pas le toucher, même avec son gros poing. Laisse tomber, Booz, il cherche la merde. Pourquoi? Il en a déjà pas assez sur lui? Je me suis levé. Squeak, tu nous quittes déjà? Tu regardes pas le reste du match? Ça vient juste de commencer. Non, il a peur, le Squeakball, c'est trop violent pour lui. Ah ah, il a peut-être un cours de couture. Rosencraft, je te jure que... Ouais, il a marqué. Il a marqué. Oh, je n'en reviens pas, Winky. Moi aussi, je reviens juste du bar avec deux bières de Roshiki. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, de la tâche de couilles successive de la part de Samozar et un but splendide en retourné piqué. Magnifique, il y a donc égalité. Hey, Squeak, Squeak, où tu vas? Faites attention, vous marchez là. Mais, Squeak, tu vas pas quitter le match à cause de ces bouffeurs de merde. Faut que j'aille voir Mila, Booz. Faut que j'essaye une dernière fois de la voir. Baef Wish.